Ces bornes de flics veulent cerner nos illicites projets et nous portent l'œil. Difficile à le garder fermé. Dans ce bitume arrache des plumes, un poulet, sans souhait des m'écrouer. Ils veulent tous nous enfermer. Déterminés pour l'amour du risque, le buzz, le pisse pour la vie. Terrain miné, mode criminel, morsure, inhumaine, phénomène, torture, meurtre qu'on a fait nous-mêmes. Nobel de la vie grave, esprit tordu. Rares sont ceux qui se rétractent quand l'hameçon a été mordu. L'ordu, Vatican nous a pas été rendu. La volaille à l'écrou, c'est pas pour autant qu'on s'est vendu. Tendu avec l'autorité, y'a malentendu. Zone dans les salles, salles à l'arrière d'une octobre. Bus. Pas de salsa pour la gauche pour mourir pendu. Glandu, névrosé tu crèves si tu prends du temps. Réalisé que le terrain est miné pire. Impossible de minimiser donc si tu veux tirer tire. Concert à fond sans pif, moi j'y serai la carotide. Le tiercar en flip, cerné par lentille. C'est sans garantir une retraite anticipée. Gosse de Tessie, émancipé, cité. Cité dans mon texte, t'as raison d'être excité. Mauvais garçon, rien ne lasse, coronesse dans le caleçon. Sombre dans le crâne car le son est dans le casque. Impossible à discerner. Ces bornes de flics veulent cerner nos illicites projets et nous portent l'œil. Difficile à le garder fermé. Dans ce bitume arrache des plumes, un poulet, sans souhait des m'écrouer. Ils veulent tous nous enfermer. Déterminés pour l'amour du risque, le buzz, le pisse pour la vie. Terrain miné, mode criminel, morsure, inhumaine, phénomène, torture, meurtre qu'on a fait nous-mêmes. Terrain miné, mais je reste sur un ruiné. Une routine, place fumée, R1 imprimé sur le bitume, dealer un dealer. Un rituel, le criminel à l'opinel. Le quartier, c'est l'apartheid, à part que sa tête moins sombre. Ils sont dans les catacombes sombres. Un sournois facilement se soudoie, terrain miné, maté, tourmenté. Dans cette climatique maté, pathétique, aux ordres de flics, jamais je me soumets, le fric est une saleté. Vous n'aimez côtoyer des gros sommets, gaufres, chromés, mon sommet, mon souhait. Dans ce terrain miné, trop de mines autour de mes vermines. Vert crime, c'est miné et gris, le ciel excrément pour filleul. Mais reste déterminé à faire de l'argent dans ce terrain miné. Sans se préoccuper de monsieur l'argent, ça engendre d'immenses pertes, ça bétonne bêtement. Tous pas à l'abri de la prison, tous calibrés, pas la guerre. Y'a que les morts qui verront la fin de cette guerre. Impossible à discerner. Ces bornes de flics veulent cerner nos illicites projets et nous portent l'œil. Difficile à le garder fermé. Dans ce bitume arrache des plumes, un poulet, sans souhait des m'écrouer. Ils veulent tous nous enfermer. Déterminés pour l'amour du risque, le buzz, le pisse pour la vie. Terrain miné, mode criminel, morsure, inhumaine, phénomène, torture, meurtre qu'on a fait nous-mêmes. Trop de balistiques, lycée transfuge, trop de décès, cause balle d'un flic, nos tests font transfuge. La merde en fléau depuis le préau, nos rues crucifient, le mal on le mystifie, le terrain justifie nos faits. Des gestes de fils comme talons d'Achille, armes de destruction massive, traînent en groupe, rien à prouver, tant qu'il n'y a pas d'efficile. La mort à nos effigies, passage décisif, pessimiste, souvent ce qu'on définit. Indécis, nos terrains, déficit, seul moyen de survie, même un doyen rumine, cette bouse, la rue est minée. Nos litiges, guerre mitigée, difficile la thèse dans l'offensive, la poucave décisive. À la perte de l'édifice, on tombe, on a mangé 10 piges, on plombe le fils de poucave. On va pas courber les chiffres. Faire du chiffre à fusil à l'épaule minée. La nouvelle époque explose au moindre mouvement. Dose quand c'est le mégatonne. Impossible à discerner. Ces bornes de flics veulent cerner nos illicites projets et nous portent l'œil. Difficile à le garder fermé. Dans ce bitume arrache des plumes, un poulet, sans souhait des m'écrouer. Ils veulent tous nous enfermer. Déterminés pour l'amour du risque, le buzz, le pisse pour la vie. Terrain miné, mode criminel, morsure, inhumaine, phénomène, torture, meurtre qu'on a fait nous-mêmes. Impossible à discerner. Ces bornes de flics veulent cerner nos illicites projets et nous portent l'œil. Difficile à le garder fermé. Dans ce bitume arrache des plumes, un poulet, sans souhait des m'écrouer. Ils veulent tous nous enfermer. Déterminés pour l'amour du risque, le buzz, le pisse pour la vie. Terrain miné, mode criminel, morsure, inhumaine, phénomène, torture, meurtre qu'on a fait nous-mêmes.